Rien n'est précaire comme vivre, nul n'est passager. C'est un peu fondre comme le givre, et pour le vent être léger. Un jour tu passes la frontière, d'où viens-tu, mais où vas-tu donc? Tes yeux, mieux vaut laisser basse l'île en plein air. Plus longtemps nous va mieux. Les arbres sont beaux en automne, mais l'enfant qu'est-il devenu? Je me regarde et je m'étonne de ce voyageur inconnu. Peu à peu tu te fais silence, mais pas assez vite. Sentir ta dissemblance et sur le toit même d'entendre. C'est long d'être un homme, une chose, c'est long de renoncer à tout. Mer amère, mer profonde, dis-moi l'heure de tes marées. Combien faut-il d'années, secondes, alors pour l'homme abjuré? Rien n'est précaire comme vie. Rien comme être n'est passager. Combien faut-il d'années, secondes, à l'homme pour achever? Pourquoi c'est si malgré? Peu à peu tu fais le silence, mais pas assez vite pourtant. Pour me sentir ta dissemblance et sur le toit même d'entendre. Un jour tu passes la frontière. Tes yeux, mieux vaut laisser passer l'île en plein air.